t'as ta mère qui m'a validé. Seul volant, faut pas paniquer. On veut ce qu'il a banalisé. Dans la zone, on va tout niquer. Mon équipe me follow. Follow. Follow. Y'a toute mon équipe qui me follow. Follow. Me follow. Mon équipe me follow. Follow. Follow. Y'a toute mon équipe qui me follow. Follow. Me follow. Même en été, ça fait tomber la neige. Deux, trois plugs, j'mets le feu comme Johnny. Si t'es Whitney, je suis pas Bobby. Baby girl, oh non. J'suis pas romantique, mais j'te donne tout ce que tu voulais. Baby girl, oh non. Ramène tes copines dans ma clique, frère, comme jamais. J'oublie pas, j'pardonne. Personne qu'abandonne. Moteur qui gronde, j'assume tout. Ouais, c'est moi le bonhomme. Ouais, c'est moi le bonhomme. Yeah, yeah. T'as ta mère qui m'a validé. Seul volant, faut pas paniquer. On veut la banalise. Dans la zone, on va tout niquer. Mon équipe me follow. Follow. Follow. Y'a toute mon équipe qui me follow. Follow. Me follow. Mon équipe me follow. Follow. Follow. Y'a toute mon équipe qui me follow. Follow. Me follow. Tue-moi ça, bébé. C'est facile pour toi, bébé. Humilié comme toi, y'en a pas, bébé. Allez, tue-moi ça, bébé. Oh non, petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Elle est belle comme ça. C'est qu'elle est belle comme ça, c'est qu'elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça. Non, c'est qu'elle est belle comme ça, c'est qu'elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça, elle est belle comme ça. C'est qu'elle est belle comme ça, c'est qu'elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça. Non, c'est qu'elle est belle comme ça, c'est qu'elle est belle comme ça. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah bon. Ah ah ah ah. Let's go. Allez, tue-moi ça, baby. C'est facile pour toi, baby. Il est comme toi, y'en a pas, baby. Allez, tue-moi ça, baby. Oh non, petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Petit cœur est tombé. Ça fait mal à yaï yaï. Elle est belle comme ça, elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça, non, c'est qu'elle est belle comme ça.